Qui c'est qui a la machine à laver qui tourne ? Thank you. Rentre en plein coucher. Ça rebondit dans tous les sens. Thank you. Mais Vanish a déjà deux canals. Vanish, tu n'as pas besoin de deux canals. Alors tu peux en enlever un, s'il te plaît, parce que tu nous bouffes de la peau. Barabarabara. Ouais, tu dois sortir sur des enceintes, je pense. Mr. Feelgood. Faut sortir au casque. Mais ouais, je sors au casque, mais ça doit être un défaut. Mais il a un micro et il a pas de casque. C'est comme pour la moto, le port du casque est obligatoire. Mais j'ai mis le casque, mais ça doit être ma carte qui laisse filtrer l'entrée. C'est chier. Ah ouais, d'accord. Ah oh là là. Le port, j'allais le dire. Tu m'as sorti les mots de la bouche. Voilà. Ne note pas un défaut. Ah oui. Ah, ah. Tu vois, Vanish, même les vieux, hein. Les escrocs, ouais, les huissiers, les notaires. Pour promener les demoiselles. Écrivain gueux, des bains bons, l'ami. Pour aller bosser, pour aller gâcher et faire la tournée. Les petits bistrots, c'est bien plus michetot, bien plus rigolo. On préfère la mobilette. Et pour trimballer les copines, au ciné, à la piscine. Pour jouer à Superman, t'as ta belle moto bécane.

faudra me payer cher pour retourner au carnaval. Ah, je sais pourquoi j'ai un retour. Peut-être là c'est mieux. Ah ouais?